ce qui me passe par la tête. Un cercueil me glace les vertèbres. J'ai du plomb dans la cervelle, je gratte les vertèbres. Un fou errant avec des lettres et des lignes. Ne soyez pas dupes, ce soir l'inspi est câline. Je gratte des trucs qui font mal, des cesses qui laissent des trous de balles. Par conséquent, à la seconde où je débite, c'est le trou noir. Il parle de montagne de blanche en McDean. Je te parle d'espoir, top départ. Que Top Chef fasse manger les clochards sur le boulevard. La télévision rend bête, l'humain ne voit pas plus loin que son assiette. Job, crédit, grosse caisse. Pour ma part, qu'ils aillent se faire mettre. Si l'amitié existe, que les frères mettent. État d'esprit colérique comme mes frères dead. À l'école, j'apprenais le théorème de Pythagore. Les problèmes de nos vies sont bien plus gore. Pas de produit en croix quand la misère pète la gorge. Certains à bout de force se mettent la corde. Quelle solution miracle, le prof de Mada a déjà pris la porte. Dites à ma prof de français de ne pas corriger mes fautes, mais plutôt de comprendre chacun de mes one shot. À chaque strophe, mes larmes troulent anti-pop. Arme affûtée sur BT Pop. Je crois en mon étoile, même si la zermine ou filo. Je reste le même qu'à l'époque où je n'avais rien dans les poches. La reconnaissance m'accroche, le succès m'approche. La tête sur les épaules, dites-le à mes proches. Un sourire pour ceux qui aimeraient me voir rater le coche. Je peux atteindre la Suisse, mais j'ai toujours pas qu'ils s'écoutent. Crois pas que Dieu regarde ton CCP à l'heure de rendre des comptes. J'entame sans thème à l'heure où les tentations du chétan veillent. La vérité se trouve dans les livres, mais la plupart ont la flemme. La plupart, je développe sans thème. C'est un problème de réception, développe des antennes. Dieu seul sait si j'atteindrai la centaine. La vie que je mène, pas si mal. Pourtant mon cœur saigne, ma plume veille à des heures où la naïveté sommeille. Je développe sans thème. C'est un problème de réception, développe des antennes. Dieu seul sait si j'atteindrai la centaine. La vie que je mène, pas si mal. Pourtant mon cœur saigne, ma plume veille à des heures où la naïveté sommeille. Ça fait déjà 10 piges, j'ai plus de 20 ans. Pour ceux qui s'en rappellent, à La Rochelle, je rappais à plein temps. Je connais pas les mi-temps, je gratte hiver comme printemps. La plupart diront que le rap c'était mieux avant. Mon analyse, c'est que le mien soit mieux maintenant. Maintenez le cap, y'a que dans les rues sombres que j'ai obtenu le bac. Altercation musclée, je monte du doigt ces chiens de la bac. J'oublierai jamais d'où je viens, ma force vient d'en bas. D'entrée 32 mesures pour centème. J'affectionne mes consonnes, mes voyelles. Sylvain, cette mélodie m'interpelle. La musique, un travail extrême. C'est vrai que je navigue dans la mer. La réussite pour moi, c'est la crème de la crème. Détermination, mon emblème. Authenticité, besoin de semer de l'amour. Mon adolescence rongée par la haine. Lâche scène les mots, lâche signe négro. Lâche vise le haut, lâche gratte ce morceau. Demain la routine à la conquête de l'euro. Tous les mêmes putain, quand faut remplir ce frigo. Quelques briques à bras qu'on zigzag pour sortir la tête de l'eau. Certains dépouillent leur daronne pour un gramme d'héro. Bah ouais c'est ça la France, pas de taf, pas de bif. Les débouchés sont plus que présents dans le caniveau. Difficile de dire la vérité, devrais-je mâcher mes mots? Devrais-je dire le contraire pour briller en radio? J'perds pas de vue que personne paiera mes factures. Sans thème, égal de couplets de 32 fractures. Derrière mon grand sourire se cache l'amertume. Pourquoi faire semblant que tout va bien alors que ça ne va plus? Si t'as envie de pleurer, lâche-toi, la vérité percute. Crois-tu vraiment que ce titre s'annonce comme un tube? Abat les masques, vide mon sac, le public titube. La confiance, une quenelle lorsqu'on parle de développe sans thème, c'est un problème de réception, développe des antennes. Dieu seul sait si j'atteindrai la centaine. La vie que je mène, pas si mal. Pourtant mon cœur saigne, ma plume veille à des heures où la naïveté sommeille. Je développe sans thème, c'est un problème de réception, développe des antennes. Dieu seul sait si j'atteindrai la centaine. La vie que je mène, pas si mal. Pourtant mon cœur saigne, ma plume veille à des heures où la naïveté sommeille.